malgré tes galères de la vie, malgré tes films de comédie, c'est le bonheur et l'envie. Il n'y a que toi, oui c'est la force et l'oubli, qui te mes meilleurs amis, pour l'amour d'une mélodie. Il n'y a que toi, t'es une petite bête qui vole, dans ma tête tu me rends fou, tu prends pour ton idole, mais je suis à tes genoux. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, tu as ma vie devant toi, il n'y a que toi. Et si le silence est en toi, si tu goûtes comme autrefois, même si je suis maladroit, il n'y a que toi. Je ne recherche que l'amour, à la naissance de nos jours, passionnément à l'infini, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, tu as la vie devant toi, oui, il n'y a que toi. Même si on doit se dire adieu, te reverrai-je dans les cieux, pour l'amour est le meilleur, oui, il n'y a que toi. Même si on peut toujours faire mieux, 1 + 1 c'est toujours mieux, non ne me jette pas la pierre, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, tu as la vie devant toi, il n'y a que toi. Malgré mes galères de la vie, malgré mes films de comédie, qui c'est le bonheur et l'envie, il n'y a que toi. Oui c'est la force et l'oubli, et qui t'aime mes meilleurs amis, pour l'amour d'une mélodie, il n'y a que toi. T'es une petite bête qui vole, dans ma tête tu me rends fou, tu me prends pour ton idole, mais je suis à tes genoux. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, oui tu as la vie devant toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oui tu as la vie devant toi, il n'y a que toi. Moi je ne suis pas intelligent, moi je vois les choses simplement, pour qu'il me reste un peu de temps, j'écrirai pour toi. Puis je le vois le temps passer, il veut s'emparer de mon corps, au diable business et l'argent, moi je ne vois que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que la vie devant nous, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oui tu as la vie devant toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que la vie devant nous. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, oui tu as la vie devant toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oui tu as la vie devant toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que la vie devant nous. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi.